Chapitre 10, 26 août. Ce jour uni que j'implorais, ne m'a pas été donné. Ma courte faiblesse n'a pas attendu longtemps l'expiation qui sera longue. Comment l'avais-je oublié? Dans l'ordre moral comme dans l'autre, il y a des lois que nous ne transgressons jamais impunément, et dont les effets certains forment en ce monde l'intervention permanente de ce qu'on nomme la Providence. Un homme faible et grand, écrivant d'une main presque folle l'évangile d'un sage, disait de ses passions mêmes qui firent sa misère, son opprobre et son génie. Toutes sont bonnes quand on reste le maître, toutes sont mauvaises quand on s'en laisse assujettir. Ce qui nous est défendu par la nature, c'est d'étendre nos attachements plus loin que nos forces. Ce qui nous est défendu par la raison, c'est de vouloir ce que nous ne pouvons obtenir. Ce qui nous est défendu par la conscience n'est pas d'être tenté, mais de nous laisser vaincre aux tentations. Il ne dépend pas de nous d'avoir ou de n'avoir pas de passion. Il dépend de nous de régner sur elle. Tous les sentiments que nous dominons sont légitimes. Tous ceux qui nous dominent sont criminels. N'attache ton cœur qu'à la beauté qui ne périt point. Que ta condition borne tes désirs. Que tes devoirs aillent avant tes passions. Étends la loi de la nécessité aux choses morales. Apprends à perdre ce qui peut être enlevé. Apprends à tout quitter quand la vertu l'ordonne. Oui, telle est la loi. Je la connaissais. Je l'ai violée. Je suis puni. Rien de plus juste. J'avais à peine posé le pied sur le nuage de ce fol amour que j'en étais précipité violemment. Et j'à peine recouvré, après 5 jours, le courage nécessaire pour retracer les circonstances presque ridicules de ma chute. Madame Larocque et sa fille étaient parties dès le matin pour aller faire une visite nouvelle à Madame de Saint-Cast et ramener ensuite Madame Aubry. Je trouvais Mademoiselle Éloin seule au château. Je lui apportais un trimestre de sa pension. Car bien que mes fonctions me laissent en général tout à fait étranger la tenue et la discipline intérieure de la maison, ces dames ont désiré, par égard sans doute pour Mademoiselle Caroline comme pour moi, que ces appointements et les miens fussent payés exceptionnellement de ma main. La jeune demoiselle se tenait dans le petit boudoir qui est contigu au salon. Elle me reçut avec une douceur pensive qui me toucha. J'éprouvais moi-même en ce moment cette plénitude de cœur qui dispose à la confiance et à la bonté. Je résolus, en vrai Don Quichotte, de tendre une main secourable à cette pauvre isolée. « Mademoiselle, lui dis-je tout à coup, vous m'avez retiré votre amitié, mais la mienne vous est restée tout entière. Me permettez-vous de vous en donner une preuve ?» Elle me regarda et murmura un oui timide. « Eh bien, ma pauvre enfant, vous vous perdez. » Elle se leva brusquement. « Vous m'avez vue cette nuit dans le parc ? » s'écria-t-elle. « Oui, mademoiselle. Mon Dieu !» Elle fit un pas vers moi. « Monsieur Maxime, je vous jure que je suis une honnête fille. Je le crois, mademoiselle. Mais je dois vous dire que dans ce petit roman, sans doute très innocent de votre part, mais qu'il est peut-être moins de l'autre, vous aventurez très gravement votre réputation et votre repos. Je vous supplie d'y réfléchir. Et je vous supplie en même temps d'être bien assuré que personne d'autre que vous n'entendra jamais un mot de ma bouche sur ce sujet. » J'allais me retirer. Elle s'affaissa sur ses genoux près d'un canapé et éclata en sanglots, le front appuyé sur ma main qu'elle avait saisie. J'avais vu couler, il y avait peu de temps, des larmes plus belles et plus dignes. Cependant, j'étais ému. « Voyons, ma chère demoiselle, lui dis-je, il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête avec force. « Eh bien, ma chère enfant, prenez courage, nous vous sauverons, allez. Que puis-je faire pour vous, voyons ? Y a-t-il entre les mains de cet homme quelques gages, quelques lettres que je puisse lui redemander de votre part ? Disposez de moi comme d'un frère. » Elle quitta ma main avec colère. « Ah, que vous êtes dur !» dit-elle. « Vous parlez de me sauver, c'est vous qui me perdez. Après avoir faim de m'aimer, vous m'avez repoussé. Vous m'avez humilié, désespéré. Vous êtes la cause unique de ce qui arrive. Mademoiselle, vous n'êtes pas juste. Je n'ai jamais faim de vous aimer. J'ai eu pour vous une affection très sincère que j'ai encore. J'avoue que votre beauté, votre esprit, vos talents vous donnent parfaitement le droit d'attendre de ceux qui vivent près de vous quelque chose de plus qu'une fraternelle amitié. Mais ma situation dans le monde, les devoirs de famille qui me sont imposés, ne me permettaient pas de dépasser cette mesure vis-à-vis de vous sans manquer à toute probité. Je vous dis franchement que je vous trouve charmante. Et je vous assure, qu'en tenant mes sentiments pour vous dans la limite que la loyauté me commandait, je n'ai pas été sans mérite. Je ne vois rien là de fort humiliant pour vous. Ce qui pourrait, à plus juste titre, vous humilier, mademoiselle, ce serait de vous voir aimer très résolument par un homme très résolu à ne pas vous épouser. » Elle me jeta un mauvais regard. « Qu'en savez-vous ? » dit-elle. « Tous les hommes ne sont pas des coureurs de fortune. »« Ah ! Est-ce que vous seriez une méchante petite personne, mademoiselle Éloin ? » lui dis-je avec beaucoup de calme. « Cela étant, j'ai l'honneur de vous saluer. »« Monsieur Maxime ! » s'écria-t-elle en se précipitant tout à coup pour m'arrêter. « Pardonnez-moi, ayez pitié de moi. Hélas, comprenez-moi, je suis si malheureuse. » Figurez-vous donc ce que peut être la pensée d'une pauvre créature comme moi, à qui on a eu la cruauté de donner un cœur, une âme, une intelligence, et qui ne peut user de tout cela que pour souffrir et pour haïr. Quelle est ma vie? Quel est mon avenir? Ma vie, c'est le sentiment de ma pauvreté, exaltée sans cesse par tous les raffinements du luxe qui m'entourent. Mon avenir sera de regretter, de pleurer un jour amèrement cette vie même, cette vie d'esclave, tout odieuse qu'elle est. Vous parlez de ma jeunesse, de mon esprit, de mes talents. Ah, je voudrais n'avoir jamais eu d'autre talent que de casser des pierres sur les routes. Je serais plus heureuse. Mes talents. J'aurais passé le meilleur temps de la vie à emparer une autre femme, pour qu'elle soit plus belle, plus adorée, plus insolente encore. Et quand le plus pur de mon sang aura passé dans les veines de cette poupée, elle s'en ira au bras d'un heureux époux prendre sa part des plus belles fêtes de la vie, tandis que moi, seule, vieille, abandonnée, j'irai mourir dans quelque coin avec une pension de femme de chambre. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter cette destinée-là, voyons? Pourquoi moi plutôt que ces femmes? Est-ce que je ne les vaux pas? Si je suis mauvaise, c'est que le malheur m'a ulcérée, c'est que l'injustice m'a noirci l'âme. J'étais née comme elle, plus qu'elle peut-être. Point trop bonne, aimante, charitable. Et mon Dieu, les bienfaits coûtent peu quand on est riche. Et la bienveillance est facile aux heureux. Si j'étais à leur place, et elle à la mienne, elle me haïrait, comme je les hais. On n'aime pas ses maîtres. Ah, cela est horrible, ce que je vous dis, n'est-ce pas? Je le sais bien, et c'est ce qui m'achève. Je sens mon abjection, j'en rougis, et je la garde. Hélas, vous allez me mépriser maintenant plus que jamais, monsieur. Vous que j'aurais tant aimé si vous l'aviez souffert. Vous qui pouviez me rendre tout ce que j'ai perdu. L'espérance, la paix, la bonté, l'estime de moi-même. Ah, il y a eu un moment où je me suis cru sauvé, où j'ai eu pour la première fois une pensée de bonheur, d'avenir, de fierté. Malheureuse, elle s'était emparée de mes deux mains, elle y plongea sa tête au milieu de ses longues boucles flottantes et elle pleura follement. « Ma chère enfant, lui dis-je, je comprends mieux que personne les ennuis, les amertumes de votre condition. » Mais permettez-moi de vous dire que vous y ajoutez beaucoup en nourrissant dans votre cœur les tristes sentiments que vous venez d'exprimer. Tout ceci est fort laid, je ne vous le cache pas, et vous finirez par mériter toute la rigueur de votre destinée. Mais voyons, votre imagination vous exagère singulièrement cette rigueur. Quant à présent, vous êtes traité ici, quoi que vous en disiez, sur le pied d'une amie, et dans l'avenir, je ne vois rien qui empêche que vous ne sortiez de cette maison, vous aussi, au bras d'un heureux époux. Pour moi, je vous serai toute ma vie reconnaissant de votre affection, mais je veux vous le dire encore une fois pour en finir à jamais avec ce sujet. J'ai des devoirs auxquels j'appartiens, et je ne veux ni ne puis me marier. » Elle me regarda tout à coup. « Même avec Marguerite, dit-elle, je ne vois pas ce que le nom de mademoiselle Marguerite vient faire ici. » Elle repoussa d'une main ses cheveux, qui inondaient son visage, et tendant l'autre vers moi par un geste de menace. « Vous l'aimez, dit-elle d'une voix sourde, ou plutôt vous aimez sa dot, mais vous ne l'aurez pas. Mademoiselle est loin. » « Ah, reprit-elle, vous êtes passablement enfant si vous avez cru abuser une femme qui avait la folie de vous aimer. Je lis clairement dans vos manœuvres, allez. D'ailleurs, je sais qui vous êtes. Je n'étais pas loin, comme mademoiselle de Port-Roy a transmis à madame Larocque votre politique confidence. Comment? Vous écoutez aux portes, mademoiselle. Je me soucie peu de vos outrages. « D'ailleurs, je me vengerai, et bientôt. »« Ah, vous êtes assurément fort habile, monsieur de Chancé, et je vous fais mon compliment. »« Vous avez joué à merveille le petit rôle de désintéressement et de réserve, que votre ami Lobépin n'a pas manqué de vous recommander en vous envoyant ici. Il savait à qui vous aviez affaire. Il connaissait assez la ridicule manie de cette fille. Vous croyez déjà tenir votre proie, n'est-ce pas? De beaux millions, dont la source est plus ou moins pure, dit-on, mais qui serait fort propre toutefois à recrépir un marquisat et à redorer un écusson. Et vous pouvez dès ce moment y renoncer, car je vous jure que vous ne garderez pas votre masque un jour de plus. Et voici la main qui vous l'arrachera. Mademoiselle Éloin, il est grandement temps de mettre fin à cette scène, car nous touchons au mélodrame. Vous m'avez fait beau jeu pour vous prévenir sur le terrain de la délation et de la calomnie. Mais vous pouvez y descendre en pleine sécurité, car je vous donne ma parole que je ne vous y suivrai pas. Là-dessus, je suis votre serviteur. Je quittai cet infortuné avec un profond sentiment de dégoût, mais aussi de pitié. Quoique j'eusse toujours soupçonné que l'organisation la mieux douée dû être, en proportion même de ses dons, irritée et faussée dans la situation équivoque et mortifiante qu'occupe ici Mademoiselle Éloin. Mon imagination n'avait pu plonger jusqu'au fond de l'abîme plein de fiel qui venait de s'ouvrir sous mes yeux. Certes, quand on y songe, on ne peut guère concevoir un genre d'existence qui soumette une âme humaine à de plus venimeuses tentations, qui soit plus capable de développer et déguiser dans le cœur les convoitises de l'envie, de soulever à chaque instant les révoltes de l'orgueil, d'exaspérer toutes les vanités et toutes les jalousies naturelles de la femme. Il n'y a pas à douter que le plus grand nombre des malheureuses filles que leur dénuement et leur talent ont voué à cet emploi, si honorable en soi, n'échappent par la modération de leurs sentiments ou avec l'aide de Dieu, par la fermeté de leurs principes, aux agitations déplorables dont Mademoiselle Éloin n'avait pas su se garantir. Mais l'épreuve est redoutable. Quant à moi, la pensée m'était venue quelquefois que ma sœur pouvait être destinée par nos malheurs à entrer dans quelque riche famille en qualité d'institutrice. Je fis serment alors, quelque avenir qui nous fut réservé, de partager plutôt avec Hélène, dans la plus pauvre mansarde, le pain le plus amer du travail, que de la laisser jamais s'asseoir au festin empoisonné de cette opulente et haineuse servilité. Cependant, si j'avais la ferme détermination de laisser le champ libre à Mademoiselle Éloin, et de n'entrer à aucun prix de ma personne dans les récriminations d'une lutte dégradante, je ne pouvais envisager sans inquiétude les conséquences probables de la guerre déloyale qui venait de m'être déclarée. J'ai été évidemment menacé dans tout ce que j'ai de plus sensible, dans mon amour et dans mon honneur. Maîtresse du secret de mon cœur, mêlant avec l'habileté perfide de son sexe la vérité au mensonge, Mademoiselle Éloin pouvait aisément présenter ma conduite sous un jour suspect, tourner contre moi jusqu'aux précautions, jusqu'aux scrupules de ma délicatesse, et prêter à mes plus simples allures la couleur d'une intrigue préméditée. Il m'était impossible de savoir avec précision quel tour elle donnerait à sa malveillance, mais je me fiai à elle pour être assuré qu'elle ne se tromperait pas sur le choix des moyens. Elle connaissait mieux que personne les points faibles des imaginations qu'elle voulait frapper. Elle possédait sur l'esprit de Mademoiselle Marguerite et sur celui de sa mère l'empire naturel de la dissimulation sur la franchise, de l'astuce sur la candeur. Elle jouissait auprès d'elle de toute la confiance qui naît d'une longue habitude et d'une intimité quotidienne, et ses maîtres, pour employer son langage, n'avaient garde de soupçonner, sous les dehors d'enjouements gracieux et d'obséquieuses prévenances dont elle s'enveloppe avec un art consommé, la frénésie d'orgueil et d'ingratitude qui ronge cette âme misérable. Il était trop vraisemblable qu'une main aussi sûre et aussi savante verserait ses poisons avec plein succès dans des cœurs ainsi préparés. À la vérité, Mademoiselle Éloin pouvait craindre, en cédant à son ressentiment, de replacer la main de Mademoiselle Marguerite dans celle de Monsieur de Bévalan et de hâter un hymen qui serait la ruine de sa propre ambition. Mais je savais que la haine d'une femme ne calcule rien et qu'elle hasarde tout. Je m'attendais donc, de la part de celle-ci, à la plus prompte comme à la plus aveugle des vengeances, et j'avais raison. Je passais dans une pénible anxiété les heures que j'avais vouées à de plus douces pensées. Tout ce que la dépendance peut avoir de plus poignant pour une âme fière, le soupçon de plus amer pour une conscience droite, le mépris de plus navrant pour un cœur qui aime, je le sentis. L'adversité, dans mes plus mauvais jours, ne m'avait jamais servi une coupe mieux remplie. J'essayai cependant de travailler comme de coutume. Vers 5 heures, je me rendis au château. Ces dames étaient rentrées dans l'après-midi. Je trouvai dans le salon Mademoiselle Marguerite, Madame Aubry et Monsieur de Bévalan, avec 2 ou 3 hôtes de passage. Mademoiselle Marguerite parut ne pas s'apercevoir de ma présence. Elle continua de s'entretenir avec Monsieur de Bévalan sur un ton d'animation qui n'était pas ordinaire. Il était question d'un bal improvisé qui devait avoir lieu le soir même dans un château voisin. Elle devait s'y rendre avec sa mère, et elle pressait Monsieur de Bévalan de les y accompagner. Celui-ci s'en excusait, en alléguant qu'il était sorti de chez lui le matin avant d'avoir reçu l'invitation et que sa toilette n'était pas convenable. Mademoiselle Marguerite, insistant avec une coquetterie affectueuse et empressée, dont son interlocuteur lui-même semblait surpris, lui dit qu'il avait certainement encore le temps de retourner chez lui, de s'habiller et de revenir les prendre. On lui garderait un bon petit dîner. Monsieur de Bévalan objecta que tous ses chevaux de voiture étaient sur la litière et qu'il ne pouvait revenir à cheval en toilette de bal. « Eh bien, reprit Mademoiselle Marguerite, on va vous conduire dans l'américaine. » En même temps, elle dirigea pour la première fois ses yeux sur moi et me couvrant d'un regard où je vis éclater la foudre. « Monsieur Odieux, » dit-elle d'une voix de bref commandement, « allez dire qu'on attelle. » Cet ordre servile était si peu dans la mesure de ceux qu'on a coutume de m'adresser ici et qu'on peut me croire disposé à subir, que l'attention et la curiosité des plus indifférents en furent aussitôt éveillées. Il se fit un silence embarrassé. Monsieur de Bévalan jeta un coup d'œil étonné sur Mademoiselle Marguerite, puis il me regarda, prit un air grave et se leva. Si l'on s'attendait à quelque folle inspiration de colère, il y eut déception. Certes, les insultantes paroles qui venaient de tomber sur moi d'une bouche si belle, si aimée et si barbare, avaient fait pénétrer le froid de la mort jusqu'aux sources profondes de ma vie, et je doute qu'une lame d'acier, se frayant passage à travers mon cœur, m'eût causé une pire sensation. Mais jamais je ne fus si calme. Le timbre dont se sert habituellement Madame Larocque pour appeler ses gens était sur une table à ma portée. J'y appuyai le doigt. Un domestique entra presque aussitôt. « Je crois, lui dis-je, que Mademoiselle Marguerite a des ordres à vous donner. » Sur ces mots qu'elle avait écoutés avec une sorte de stupeur, la jeune fille fit violemment de la tête un signe négatif et congédia le domestique. J'avais grande hâte de sortir de ce salon, où j'étouffais, mais je ne pus me retirer devant l'attitude provocante qu'affectait alors Monsieur de Bévalan. « Ma foi, murmura-t-il, voilà quelque chose d'assez particulier. » Je feignis de ne pas l'entendre. Mademoiselle Marguerite lui dit de mots brusques à voix basse. « Je m'incline, mademoiselle, » reprit-il alors d'un ton plus élevé, « qu'il me soit seulement permis d'exprimer le regret sincère que j'éprouve de n'avoir pas le droit d'intervenir ici. » Je me levai aussitôt. « Monsieur de Bévalan, » dis-je en me plaçant 2 pas de lui, « ce regret est tout à fait superflu, car si je n'ai pas cru devoir obéir aux ordres de mademoiselle, je suis entièrement au vôtre, et je vais les attendre. »« fort bien, monsieur, rien de mieux. » répliqua M. de Bévalan en agitant la main avec grâce pour rassurer les femmes. Nous nous saluâmes et je sortis. Je dînai solitairement dans ma tour, servi, suivant l'usage, par le pauvre Alain, que les rumeurs de l'antichambre avaient sans doute instruit de ce qui s'était passé, car il ne cessa d'attacher sur moi des regards lamentables, poussant par intervalles de profonds soupirs et observant, contre sa coutume, un silence morne. Seulement, sur ma demande, il m'apprit que ces dames avait décidé qu'elle n'irait pas au bal ce soir-là. Mon bref repas terminé, je mis un peu d'ordre dans mes papiers et j'écrivis 2 mots à M. Lobépin. À toute prévision, je lui recommandais Hélène. L'idée de l'abandon où je la laisserais en cas de malheur me navrait le cœur, sans ébranler le moins du monde mes immuables principes. Je puis m'abuser, mais j'ai toujours pensé que l'honneur, dans notre vie moderne, domine toute la hiérarchie des devoirs. Il supplie aujourd'hui à tant de vertus à demi effacées dans les consciences, à tant de croyances endormies. Il joue, dans l'état de notre société, un rôle tellement tutélaire qu'il n'entrera jamais dans mon esprit d'en affaiblir les droits, d'en subordonner les obligations. L'honneur, dans son caractère indéfini, est quelque chose de supérieur à la loi et à la morale. On ne le raisonne pas, on le sent. C'est une religion. Si nous n'avons plus la folie de la croix, gardons la folie de l'honneur. Au surplus, il n'y a pas de sentiment profondément entré dans l'âme humaine qui ne soit, si l'on y pense, sanctionné par la raison. Mieux vaut, à tout risque, une fille ou une femme seule au monde que protégée par un frère ou par un mari déshonoré. J'attendais d'un instant à l'autre un message de M. de Bévalan. Je m'apprêtais à me rendre chez le percepteur du bourg, qui est un jeune officier blessé en Crimée, et à réclamer son assistance quand on heurta à ma porte. Ce fut M. de Bévalan lui-même qui entra. Son visage exprimait, avec une faible nuance d'embarras, une sorte de bonhomie ouverte et joyeuse. « Monsieur, » me dit-il, pendant que je le considérais, avec une assez vive surprise, « voilà une démarche un peu irrégulière, mais ma foi. J'ai des états de service qui mettent, Dieu merci, mon courage à l'abri du soupçon. D'autre part, j'ai lui d'éprouver ce soir un contentement qui ne laisse aucune place chez moi à l'hostilité ou à la rancune. Enfin, j'obéis à des ordres qui doivent m'être plus sacrés que jamais. Bref, je viens vous tendre la main. » Je le saluai avec gravité et je pris sa main. « Maintenant, » ajouta-t-il en s'asseyant, « me voilà fort à l'aise pour m'acquitter de mon ambassade. Mademoiselle Marguerite vous a tantôt, monsieur, dans un moment de distraction, donné quelques instructions qui assurément n'étaient pas de votre ressort. Votre susceptibilité s'en est émue très justement, nous le reconnaissons, et ces dames m'ont chargé de vous faire accepter leurs regrets. Elles seraient désespérées que ce malentendu d'un instant les privât de vos bons offices, dont elles apprécient toute la valeur, et rompit des relations auxquelles elles attachent un prix infini. Pour moi, monsieur, j'ai acquis ce soir, à ma grande joie, le droit de joindre mes instances à celles de ces dames. Les vœux que je formais depuis longtemps viennent d'être agréés, et je vous serai personnellement obligé de ne pas mêler, à tous les souvenirs heureux de cette soirée, celui d'une séparation qui serait à la fois préjudiciable et douloureuse à la famille dans laquelle j'ai l'honneur d'entrer. « Monsieur, lui dis-je, je ne puis qu'être très sensible au témoignage que vous voulez bien me rendre au nom de ces dames et au vôtre. Vous me pardonnerez de n'y pas répondre immédiatement, par une détermination formelle qui demanderait plus de liberté d'esprit que je n'en puis avoir encore. Vous me permettrez au moins, dit Monsieur de Bévalan, d'emporter une bonne espérance. Voyons, monsieur, puisque l'occasion s'en présente, rompons donc à jamais l'ombre de glace qui a pu exister entre nous deux jusqu'ici. Pour mon compte, j'y suis très disposé. D'abord, Madame Laroque, sans se dénantir d'un secret qui ne lui appartient pas, ne m'a point laissé ignorer que les circonstances les plus honorables pour vous se cachent sous l'espèce de mystère dont vous vous entourez. Ensuite, je vous dois une reconnaissance particulière. Je sais que vous avez été consulté récemment au sujet de mes prétentions à la main de Mademoiselle Laroque, et que j'ai eu à me louer de votre appréciation. Mon Dieu, monsieur, je ne pense pas avoir mérité... Oh, je sais, reprit-il en riant, que vous n'avez pas abondé follement dans mon sens. Mais enfin, vous ne m'avez pas nui. J'avoue même que vous avez fait preuve d'une sagacité réelle. Vous avez dit que, si Mademoiselle Marguerite ne devait pas être absolument heureuse avec moi, elle ne serait pas non plus malheureuse. Eh bien, le prophète Daniel n'aurait pas mieux dit. La vérité est que la chère enfant ne serait absolument heureuse avec personne, puisqu'elle ne trouverait pas dans le monde entier un mari qui lui parlât en vers du matin au soir. Il n'y en a pas. Je ne suis pas plus qu'un autre de ce calibre-là, j'en conviens. Mais, comme vous m'avez encore fait l'honneur de le dire, je suis un galant homme. Véritablement, quand nous nous connaîtrons mieux, vous n'en douterez pas. Je ne suis pas un méchant diable, je suis un bon garçon. « Mon Dieu, j'ai des défauts, j'en ai surtout. J'ai aimé les jolies femmes, ça je ne peux le nier. Mais quoi? C'est la preuve qu'on a un bon cœur. D'ailleurs, me voilà au port. Et même, j'en suis ravi, parce qu'entre nous, je commence à me roussir un peu. Bref, je ne veux plus penser qu'à ma femme et à mes enfants. D'où je conclus avec vous que Marguerite sera parfaitement heureuse, c'est-à-dire autant qu'elle peut l'être en ce monde avec une tête comme la sienne. Car enfin, je serai charmant pour elle. » Je ne lui refuserai rien. J'irai même au-devant de tous ses désirs. Mais si elle me demande la lune et les étoiles, je ne peux pas aller les décrocher pour lui être agréable. Ça, c'est impossible. Là-dessus, mon cher ami, votre main, encore une fois. Je la lui donnai. Il se leva. Là, j'espère que vous nous resterez maintenant. Voyons, éclaircissez-moi un peu ce front-là. Nous vous ferons la vie aussi douce que possible, mais il faut vous y prêter un peu. Que diable ! Vous vous complaisez dans votre tristesse. Vous vivez, passez-moi le mot, comme un vrai hibou. Vous êtes une sorte d'Espagnol, comme on n'en voit pas. Secouez-moi donc ça. Vous êtes jeune, beau garçon, vous avez de l'esprit et des talents. Profitez un peu de toutes ces choses. Voyons. Pourquoi ne feriez-vous pas un doigt de cour à la petite Éloin? Cela vous amuserait. Elle est très gentille, elle irait très bien. Médiantre. J'oublie un peu ma promotion en grande dignité, moi. Allons, adieu, Maxime. Et à demain, n'est-ce pas? À demain, certainement. Et ce galant homme, qui est lui une sorte d'Espagnol comme on en voit beaucoup, m'abandonna à mes réflexions.